Chapitre 27. Quand à la caisse on lui remit, après l'avoir examinée des pieds à la tête, la fiche annoncée par M. Vulfranc, elle sortit de l'usine en se demandant où demeurait cette Madame Lachaise. Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du magasin où elle avait acheté son calicot, parce que la connaissant déjà, elle eût été moins gênée pour la consulter sur ce qu'elle devait prendre. Question terrible qu'aggravait encore le dernier mot de M. Vulfranc. « Ton choix me fixera sur ton caractère. » Sans doute elle n'avait pas besoin de cet avertissement pour ne pas se jeter sur une toilette extravagante, mais encore, ce qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour M. Vulfranc ? Dans son enfance, elle avait connu les belles robes et elle en avait porté dans lesquelles elle était fière de se pavaner. Évidemment, ce n'était point des robes de ce genre qui convenaient présentement, mais les plus simples qu'elle pourrait trouver conviendraient-elles mieux ? On lui eût dit la veille, alors qu'elle souffrait tant de sa misère, qu'on allait lui donner des vêtements et du linge, elle n'eût certes pas imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait pas de joie. Et cependant, l'embarras et la crainte l'emportaient de beaucoup en elle sur tout autre sentiment. C'était place de l'église que Madame Lachaise avait son magasin, incontestablement le plus beau, le plus coquet de Maraucourt, avec une montre d'étoffe, de rubans, de lingerie, de chapeaux, de bijoux, de parfumerie, qui éveillait les désirs, allumait les convoitises des coquettes du pays, et leur faisait dépenser là leurs gains, comme les pères et les maris dépensaient les leurs au cabaret. Cette montre augmenta encore la timidité de Perrine, et comme l'entrée d'une déguenillée ne provoquait les prévenances ni de la maîtresse de maison, ni des ouvrières qui travaillaient derrière un comptoir, elle resta un moment indécise au milieu du magasin, ne sachant à qui s'adresser. À la fin, elle se décida à élever l'enveloppe qu'elle tenait dans sa main. « Qu'est-ce que c'est, petite ?» demanda Madame Lachaise. Elle tendit l'enveloppe qui, à l'un de ses coins, portait imprimée la rubrique « Usine de Maraucourt, Vulfranc pain d'avoine ». La marchande n'avait pas lu l'affiche entière que sa physionomie s'éclaira du sourire le plus engageant. « Et que désirez-vous, mademoiselle ? » demanda-t-elle en quittant son comptoir pour avancer une chaise. Perrine répondit qu'elle avait besoin de vêtements, de linge, de chaussures, d'un chapeau. « Nous avons tout cela et de premier choix. Voulez-vous que nous commencions par la robe ? Oui, n'est-ce pas ? Je vais vous montrer des étoffes, vous allez voir. » Mais ce n'était point des étoffes qu'elle voulait voir. C'était une robe toute faite qu'elle put revêtir immédiatement, ou tout au moins le soir même, afin de pouvoir sortir le lendemain avec M. Vulfranc. « Ah ! Vous devez sortir avec M. Vulfranc ? » dit vivement la marchande, dont la curiosité se trouvait surexcitée par cet étrange propos qui la faisait se demander ce que le tout-puissant maître de Maraucourt pouvait bien avoir à faire avec cette bohémienne. Mais au lieu de répondre à cette interrogation, Perrine continua ses explications pour dire que la robe dont elle avait besoin devait être noire parce qu'elle était en deuil. « C'est pour aller en l'enterrement, cette robe ? Non ? Vous comprenez, mademoiselle, que l'usage auquel vous devez employer votre robe dit ce qu'elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix. » La forme la plus simple, l'étoffe solide et légère, le prix le plus bas. « c'est bien, » répondit la marchande. « On va vous montrer. Virginie, occupez-vous de mademoiselle. » Comme le ton avait changé, les manières changèrent aussi. Dignement, Madame Lachaise reprit sa place à la caisse, dédaignant de s'occuper elle-même d'une acheteuse qui montrait de pareilles dispositions. Quelques filles de domestiques, sans doute, à qui M. Vulfranc faisait l'aumône d'un deuil, et encore... Quel domestique ! Cependant, comme Virginie apportait sur le comptoir une robe en cachemire garnie de passementerie et de jais, elle intervint. « Cela n'est pas dans les prix, » dit-elle. « Montrez la jupe avec blouse en indienne noire à pois. La jupe sera un peu longue, la blouse un peu large, mais avec un rempli et des pinces, le tout ira à merveille. Au reste, nous n'avons pas autre chose. » C'était là une raison qui dispensait des autres. D'ailleurs, malgré leur taille, Perrine trouva cette jupe et cette blouse très jolies, et puisqu'on lui assurait qu'avec quelques retouches, elles iraient à merveille, elle devait le croire. Pour les bas et les chemises, le choix était plus facile, puisqu'elle voulait ce qu'il y avait de moins cher. Mais quand elle déclara qu'elle ne prenait que deux paires de bas et de chemises, Mademoiselle Virginie se montra aussi méprisante que sa patronne, et ce fut par grâce qu'elle daigna montrer les chaussures et le chapeau de paille noire qui complétaient l'habillement de cette petite niaise. « Avait-on idée d'une sottise pareille ? Deux paires de bas, deux chemises ?» Et quand Perrine demanda des mouchoirs de poche, qui, depuis longtemps, étaient l'objet de ses désirs, ce nouvel achat, limité d'ailleurs à trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de la patronne, ni celui de la demoiselle de magasin. « Une moins que rien, cette petite. »« Et maintenant, est-ce qu'il faudra vous envoyer ça ?» demanda Madame Lachaise. « Je vous remercie, madame. Je viendrai le chercher ce soir. »« Pas avant 8 heures, et pas après 9. » Perrine avait cette bonne raison pour ne pas vouloir qu'on lui envoyât ses vêtements, qu'elle ne savait pas où elle coucherait le soir. Dans son île, il n'y fallait pas songer. Qui n'a rien se passe de porte et de serrure, mais la richesse, car malgré le dédain de cette marchande, ce qu'elle venait d'acheter constituait pour elle de la richesse, a besoin d'être gardée. Il fallait donc que la nuit suivante elle eût un logement, et tout naturellement elle pensa à le prendre chez la grand-mère de Rosalie, et en sortant de chez Madame Lachaise, elle se dirigea vers la maison de Mère Françoise pour voir si elle trouverait là ce qu'elle désirait, c'est-à-dire un cabinet ou une toute petite chambre qui ne coûtât pas cher. Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit Rosalie sortir d'une allure légère. « Vous partez ? Et vous, vous êtes donc libre ?» En quelques mots précipités, elles s'expliquèrent. Rosalie, qui allait à Piquigny pour une commission pressée, ne pouvait pas rentrer chez sa grand-mère immédiatement comme elle l'aurait voulu, de façon à arranger pour le mieux la location du cabinet. Mais puisque Perrine n'avait rien à faire de la journée, pourquoi ne l'accompagnerait-elle pas à Piquigny ? Elles reviendraient ensemble, ce serait une partie de plaisir. Rapide à l'aller, cette partie de plaisir, une fois la commission faite, s'agrémenta si bien au retour de bavardage, de flânerie, de courses dans les prairies, de repos à l'ombre, qu'elles ne rentrèrent que le soir à Maraucourt. Mais ce fut seulement en passant la barrière de sa grand-mère que Rosalie eut conscience de l'heure. « Qu'est-ce que va dire tante Zénobie ?»« Dame, ma foi tant pis, je me suis bien amusée, et vous ?»« Si vous vous êtes amusée, vous qui avez avec qui vous entretenir toute la journée, pensez ce qu'a été notre promenade pour moi qui n'ai personne. » C'est vrai, tout de même. Heureusement, la tante Zénobie était occupée à servir les pensionnaires, de sorte que l'arrangement se fit avec Mère Françoise, ce qui permit qu'il se concluât assez promptement sans être trop dur, 50 francs par mois pour 2 repas par jour, 12 francs pour un cabinet orné d'une petite glace avec une fenêtre et une table de toilette. À 8 heures, Perrine dînait seule à sa table dans la salle commune, une serviette sur ses genoux. À 8h30, elle allait chercher ses vêtements qui se trouvaient prêts, et à 9 heures, dans son cabinet dont elle fermait la porte à clé, elle se coucha un peu troublée, un peu grisée, la tête vacillante, mais au fond pleine d'espoir. Maintenant, on allait voir. Ce qu'elle vit le lendemain matin, lorsqu'après avoir donné ses ordres à ses chefs de service, qu'il appelait par une sonnerie au coup numéroté dans le tableau électrique du vestibule, M. Vulfranc la fit venir dans son cabinet, ce fut un visage sévère qui la déconcerta, car, bien que les yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée fussent sans regard, elle ne put se méprendre sur l'expression de cette physionomie qu'elle connaissait pour l'avoir longuement observée. Assurément, ce n'était pas la bienveillance qu'exprimait cette physionomie, mais plutôt le mécontentement et la colère. Qu'avait-elle donc fait de mal qu'on pût lui reprocher ? À cette question qu'elle se posa, elle ne trouva qu'une réponse. Ses achats, chez Madame Lachaise, étaient exagérés. D'après eux, M. Vulfranc jugeait son caractère, et elle qui s'était si bien appliquée à la modération et à la discrétion, que fallait-il donc qu'elle achetât, ou plutôt n'achetât point ? Mais elle n'eut pas le temps de chercher. M. Vulfranc lui adressait la parole d'un ton dur. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité ?»« À propos de quoi ne vous aurais-je pas dit la vérité ? » demanda-t-elle effrayée. « À propos de ta conduite, depuis ton arrivée ici ?»« Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure que je vous ai dit la vérité. » « Tu m'as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en partant de chez elle, où as-tu été ? Je te préviens que Zénobie, la fille de Françoise, interrogée hier par quelqu'un qui voulait avoir des renseignements sur toi, a dit que tu n'as passé qu'une nuit chez sa mère et que tu as disparu sans que personne sache ce que tu as fait depuis ce temps-là. » Perrine avait écouté le commencement de cet interrogatoire avec émoi, mais à mesure qu'il avançait, elle s'était affermie. « Il y a quelqu'un qui sait ce que j'ai fait depuis que j'ai quitté la chambrée de Mère Françoise. Qui ? Rosalie, sa petite fille, qui peut vous confirmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez que ce que j'ai pu faire depuis ce jour mérite d'être connu de vous. La place que je te destine auprès de moi exige que je sache ce que tu es. Eh bien, monsieur, je vais vous le dire. Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie, vous l'interrogerez sans que je l'aie vue, et vous aurez la preuve que je ne vous ai pas trompé. Cela peut en effet se faire ainsi, dit-il d'une voix adoucie. « Raconte donc. » Elle fit ce récit en insistant sur l'horreur de sa nuit dans la chambrée, son dégoût, ses malaises, ses nausées, ses suffocations. Ne pouvais-tu supporter ce que les autres acceptent ? Les autres n'ont sans doute pas vécu comme moi en plein air, car je vous assure que je ne suis difficile en rien, ni sur rien, et que la misère m'a appris à tout endurer. Je serais morte, et je ne pense pas que ce soit une lâcheté d'essayer d'échapper à la mort. La chambrée de Françoise est-elle donc si malsaine ? Ah, monsieur, si vous pouviez la voir, vous ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là. Continue. Elle passa à sa découverte de l'île et à son idée de s'installer dans l'Aumuche. Tu n'as pas eu peur ? Je suis habituée à n'avoir pas peur. Tu parles de l'entaille qui se trouve la dernière, sur la route de Saint-Pipois, à gauche ? Oui, monsieur. Cette Aumuche m'appartient et elle sert à mes neveux. C'est donc là que tu as dormi ? Non seulement dormi, mais travaillé, mangé, et même donné à dîner à Rosalie, qui pourra vous le raconter. Je ne l'ai quitté que pour Saint-Pipois, quand vous m'avez dit de rester à la disposition des monteurs, et cette nuit pour loger chez Mère Françoise, où je peux maintenant me payer un cabinet pour moi seule. Tu es donc riche que tu peux donner à dîner à ta camarade ? Si j'osais vous dire. Tu dois tout me dire. Est-il permis de prendre votre temps pour des histoires de petite fille ? Ce n'est pas trop court qu'est le temps pour moi, depuis que je ne peux plus l'employer comme je voudrais. C'est long, bien long, et vide. Elle vit passer sur le visage de M. Vulfranc un nuage sombre qui accusait les tristesses d'une existence que l'on croyait si heureuse et que tant de gens enviaient. Et à la façon dont il prononça le mot vide, elle eut le cœur attendri. Elle aussi, depuis qu'elle avait perdu son père et sa mère pour rester seule, savait ce que sont les journées longues et vides, que rien ne remplit si ce n'est les soucis, les fatigues et les misères de l'heure présente, sans personne avec qui les partager, qui vous soutienne ou vous égaie. Lui ne connaissait ni fatigue, ni privation, ni misère, mais sont-elles toutes au monde, et n'est-il pas d'autres souffrances, d'autres douleurs ? C'était celle-là que traduisaient ces quelques mots, leur accent, et aussi cette tête penchée, ces lèvres, ces joues affaissées, cette physionomie allongée par l'évocation sans doute de souvenirs pénibles. Si elle essayait de le distraire, sans doute cela était bien hardi à elle, qui le connaissait si peu, mais pourquoi ne risquerait-elle point, puisque lui-même demandait qu'elle parlât, d'égayer ce sombre visage et de le faire sourire. Elle pouvait l'examiner, elle verrait bien si elle l'amusait ou l'ennuyait. Et tout de suite, d'une voix enjouée qui avait l'entrain d'une chanson, elle commença. « Ce qui est plus drôle que notre dîner, c'est la façon dont je me suis procuré les ustensiles de cuisine pour le faire cuire, et aussi comment, sans rien dépenser, ce qui m'eût été impossible, j'ai réuni les mets de notre menu. C'est cela que je vais vous dire, en commençant par le commencement qui expliquera comment j'ai vécu dans l'Aumuche depuis que je m'y suis installée. » Pendant son récit, elle ne quitta pas M. Vulfranc des yeux, prête à couper court si elle voyait se produire des signes d'ennui qui certainement ne lui échapperaient pas. Mais ce ne fut pas de l'ennui qui se manifesta. Au contraire, ce fut de la curiosité et de l'intérêt. « Tu as fait cela ? » interrompit-il plusieurs fois. Alors il l'interrogea pour qu'elle précisât ce que, par crainte de le fatiguer, elle avait abrégé, elle lui posa des questions qui montraient qu'il voulait se rendre un compte exact, non seulement de son travail, mais surtout des moyens qu'elle avait employés pour remplacer ce qui lui manquait. « Tu as fait cela ?» Quand elle fut arrivée au bout de son histoire, il lui posa la main sur les cheveux. « Allons, tu es une brave fille, » dit-il, « et je vois avec plaisir qu'on pourra faire quelque chose de toi. Maintenant, va dans ton bureau et occupe ton temps comme tu voudras. À 3 heures, nous sortirons. » Chapitre 28. Son bureau, ou plutôt celui de Bendit, n'avait rien pour les dimensions ni l'ameublement du cabinet de M. Vulfranc, qui, avec ses 3 fenêtres, ses tables, ses cartonniers, ses grands fauteuils en cuir, les plans des différentes usines accrochés au mur dans des cadres en bois doré, était très imposant et bien fait pour donner une idée de l'importance des affaires qui s'y décidaient. Tout petit, au contraire, était le bureau de Bendit, meublé d'une seule table avec 2 chaises, des casiers en bois noirci et une chart of the world, sur laquelle des pavillons de diverses couleurs désignaient les principales lignes de navigation. Mais cependant, avec son parquet de pitch-pine bien ciré, sa fenêtre au milieu tendue d'un store en jute à dessins rouges, Il paraissait gai à Perrine, non seulement lui-même, mais encore parce qu'en laissant la porte ouverte, elle pouvait voir et quelquefois entendre ce qui se passait dans les bureaux voisins. À droite et à gauche du cabinet de M. Vulfranc, ceux des neveux, M. Edmond et M. Casimir, ensuite ceux de la comptabilité et de la caisse, enfin, vis-à-vis, celui de Fabry dans lequel des commis dessinaient debout devant de hautes tables inclinées. N'ayant rien à faire et n'osant occuper la place de Bendit, Perrine s'assit à côté de cette porte et pour passer le temps elle lut des dictionnaires qui étaient les seuls livres composant la bibliothèque de ce bureau. À vrai dire, elle en eût mieux aimé d'autres, mais il fallut bien qu'elle se contentât de ceux-là qui lui firent paraître les heures longues. Enfin, la cloche sonna le déjeuner et elle fut une des premières à sortir. Mais en chemin, elle fut rejointe par Fabry et Montbleu, qui, comme elle, se rendaient chez Mère Françoise. « Eh bien, mademoiselle, vous voilà donc notre camarade ?» dit Montbleu, qui n'avait pas oublié son humiliation de Saint-Pipois, et voulait la faire payer à celle qui la lui avait affligée. Elle fut un moment déconcertée par ces paroles dont elle sentit l'ironie, mais elle se remit vite. « La vôtre, non, monsieur, » dit-elle doucement, « mais celle de Guillaume. » Le ton de cette réplique plut sans doute à l'ingénieur, car se tournant vers Perrine, il lui adressa un sourire qui était un encouragement en même temps qu'une approbation. « Puisque vous remplacez Bendit, » continua Montbleu, qui pour l'obstination n'était pas à moitié picard. « Dites que mademoiselle tient sa place, » reprit Fabry. « C'est la même chose ?»« Pas du tout, car dans une dizaine, une quinzaine de jours, quand M. Bendit sera rétabli, il la reprendra cette place, ce qui ne serait pas arrivé si mademoiselle ne s'était pas trouvée là pour la lui garder. » « Il me semble que vous, de votre côté, moi du mien, nous avons contribué à la lui garder. »« Comme mademoiselle du sien, ce qui fait que M. Bendit nous devra une chandelle à tous trois, si tant est qu'un Anglais ait jamais employé les chandelles autrement que pour son propre usage. » Si Perrine avait pu se méprendre sur le sens vrai des paroles de Montbleu, la façon dont on agite avec elle chez Mère Françoise la renseigna, car ce ne fut pas à la table des pensionnaires qu'elle trouva son couvert mis, comme on eût fait pour une camarade, mais sur une petite table à part, qui pour être dans leur salle ne s'en trouvait pas moins reléguée dans un coin, et ce fut là qu'on la servit après eux, ne lui passant les plaques en dernier. Mais il n'y avait là rien pour la blesser. Que lui importait d'être servie la première ou la dernière, et que les bons morceaux eussent disparu? Ce qui l'intéressait, c'était d'être placée assez près d'eux pour entendre leur conversation, et, par ce qu'ils diraient, de tâcher de se tracer une ligne de conduite au milieu des difficultés qu'elle allait affronter. Il connaissait les habitudes de la maison. Il connaissait M. Vulfranc, les neveux, Talouel, de qui elle avait une si grande peur. Un mot d'eux pouvait éclairer son ignorance, et en lui montrant des dangers qu'elle ne soupçonnait même pas, lui permettre de les éviter. Elle ne les espionnerait pas, elle n'écouterait pas aux portes. Quand il parlerait, il saurait qu'il n'était pas seul. Elle pouvait donc, sans scrupule, profiter de leurs observations. Malheureusement, ce matin-là, ils ne dirent rien d'intéressant pour elle. Leur conversation roula tout le temps du déjeuner sur des sujets insignifiants. La politique, la chasse, un accident de chemin de fer. Et elle n'eut pas besoin de se donner un air indifférent pour ne pas paraître prêter attention à leur discours. D'ailleurs, elle était forcée de se hâter ce matin-là, car elle voulait interroger Rosalie pour tâcher de savoir comment M. Vulfranc avait appris qu'elle n'avait couché qu'une fois chez Mère Françoise. « C'est le mince qui est venu pendant que nous étions à Piquigny. Il a fait causer tant de Zénobie sur vous. Et vous savez, ça n'est pas difficile de faire causer tant de Zénobie, surtout quand elle suppose que ça ne vaudra pas une gratification à ceux dont elle parle. C'est donc elle qui a dit que vous n'aviez passé qu'une nuit ici, et toutes sortes d'autres choses avec. »« Quelles autres choses ?»« Je ne sais pas, puisque je n'y étais pas. Mais vous pouvez imaginer le pire. Heureusement, ça n'a pas mal tourné pour vous. »« Au contraire, ça a bien tourné. » Puisqu'avec mon histoire j'ai amusé M. Vulfranc. Je vais la raconter à tante Zénobie. Qu'est-ce que ça la fera enrager? Ne l'excitez pas contre moi. L'exciter contre vous? Maintenant il n'y a pas de danger. Quand elle saura la place que M. Vulfranc vous donne, vous n'aurez pas de meilleur ami, enfin, de semblant. Vous verrez demain. Seulement si vous ne voulez pas que le mince apprenne vos affaires, ne les lui dites pas à elle. Soyez tranquille. C'est qu'elle est maligne. Mais me voilà averti. À 3 heures, comme il l'en avait prévenu, M. Vulfranc sonna Perrine et ils partirent en voiture pour faire la tournée habituelle des usines car il ne laissait pas passer un seul jour sans visiter les différents établissements, les uns les autres, sinon pour tout voir, au moins pour se faire voir, en donnant ses ordres à ses directeurs, après avoir entendu leurs observations. Et encore, y avait-il bien des choses dont il se rendait compte lui-même, comme s'il n'avait point été aveugle, par toutes sortes de moyens qui suppléaient à ses yeux voilés. Ce jour-là, ils commencèrent la visite par Flexel, qui est un gros village où sont établis les ateliers du peignage du lin et du chanvre. Et en arrivant dans l'usine, M. Vulfranc, au lieu de se faire conduire au bureau du directeur, voulut entrer, appuyé sur l'épaule de Perrine, dans un immense hangar où l'on était en train d'emmagasiner des ballots de chanvre qu'on déchargeait des wagons qui les avaient apportés. C'était la règle que partout où il allait, on ne devait pas se déranger pour le recevoir, ni jamais lui adresser la parole, à moins que ce ne fût pour lui répondre. Le travail continua donc comme s'il n'était pas là, un peu plus hâté seulement, dans une régularité générale. « Écoute bien ce que je vais t'expliquer, » dit-il à Perrine, « car je veux, pour la première fois, tenter l'expérience de voir par tes yeux en examinant quelques-uns de ces ballots qu'on décharge. Tu sais ce que c'est que la couleur argentine, n'est-ce pas ?» Elle hésita. « Ou plutôt, la couleur gris-perle. »« Gris-perle, oui, monsieur. »« Bon, tu sais aussi distinguer les différentes nuances du vert, le vert foncé, le vert clair et aussi le gris brunâtre, le rouge. » Oui, monsieur, au moins à peu près. À peu près suffit. Prends donc une petite poignée de chanvre à la première balle venue et regarde-la bien de manière à me dire quelle est sa nuance. Elle fit ce qui lui était commandé et après avoir bien examiné le chanvre, elle dit timidement. Rouge, est-ce bien rouge? Donne-moi ta poignée. Il la porta à ses narines et la flaira. Tu ne t'es pas trompé, dit-il. Ce chanvre doit être rouge, en effet. Elle le regarda surprise, et comme s'il devinait son étonnement, il continua. Sans ce chanvre, tu lui trouves, n'est-ce pas, l'odeur de caramel? Précisément, monsieur. Eh bien, cette odeur veut dire qu'il a été séché au four où il a été brûlé, ce que traduit aussi sa couleur rouge. Donc odeur et couleur, se contrôlant et se confirmant, me donnent la preuve que tu as bien vu et me font espérer que je peux avoir confiance en toi. Allons à un autre wagon et prends une autre poignée de chanvre. Cette fois, elle trouva que la couleur était verte. Il y a 20 espèces de vert. À quelle plante rapportes-tu le vert dont tu parles? À un chou, il me semble. Et de plus, il y a par place des taches brunes et noires. Donne ta poignée. Au lieu de la porter à son nez, il l'étira des deux mains et les bras se rompirent. Ce chanvre a été cueilli trop vert, dit-il. Et de plus, il a été mouillé en balle. Cette fois encore, ton examen est juste. Je suis content de toi, c'est un bon début. » Ils continuèrent leur visite par les autres villages, Bacour, Hercheux, pour la terminer par Saint-Pipois, et celle-là fut de beaucoup la plus longue à cause de l'inspection du travail des ouvriers anglais. Comme toujours, la voiture, une fois que M. Vulfranc en était descendu, avait été conduite à l'ombre d'un gros tremble, et au lieu de rester auprès du cheval pour le garder, Guillaume l'avait attaché à un banc pour aller se promener dans le village, comptant bien être de retour avant son maître, qui ne saurait rien de sa fugue. Mais au lieu d'une rapide promenade, il était entré dans un cabaret avec un camarade qui lui avait fait oublier l'heure, si bien que lorsque M. Vulfranc était revenu pour monter en voiture, il n'avait trouvé personne. « Faites chercher Guillaume !» dit-il au directeur qui les accompagnait. Guillaume avait été long à trouver, à la grande colère de M. Vulfranc, qui n'admettait pas qu'on lui fît perdre une minute de son temps. À la fin, Perrine avait vu Guillaume accourir d'une allure tout à fait étrange. La tête haute, le cou et le buste raides, les jambes fléchissantes, et il les levait de telle sorte, en les jetant en avant, qu'à chaque pas il semblait vouloir sauter un obstacle. « Voilà une manière singulière de marcher, » dit M. Vulfranc, qui avait entendu ses pas inégaux. « L'animal est gris, n'est-ce pas, Benoît ? On ne peut rien vous cacher. Je ne suis pas sourd, Dieu merci. » Puis s'adressant à Guillaume qui s'arrêtait. « D'où viens-tu ? » ?»« Monsieur, je vais vous dire. Ton haleine parle pour toi. Tu viens du cabaret et tu es ivre. Le bruit de tes pas me le prouve. Monsieur, je vais vous dire. » Tout en parlant, Guillaume avait détaché le cheval et en remettant les guides dans la voiture, fait tomber le fouet. Il voulut se baisser pour le ramasser et trois fois il sauta par-dessus sans pouvoir le saisir. « Je crois qu'il vaut mieux que je vous reconduise à Maraucourt, » dit le directeur. « Pour que ça ?» répliqua insolemment Guillaume qui avait entendu. « Tais-toi !» commanda M. Vulfranc d'un ton qui n'admettait pas la réplique. À partir de l'heure présente, tu n'es plus à mon service. Monsieur, je vais vous dire... Mais sans l'écouter, M. Vulfranc s'adressa à son directeur. « Je vous remercie, Benoît. La petite va remplacer cette ivrogne. Sait-elle conduire ? Ses parents étaient des marchands ambulants. Elle a conduit leur voiture bien souvent. N'est-ce pas, petite ? Certainement, monsieur. D'ailleurs, Coco est un mouton. Si on ne le jette pas dans un fossé, il n'ira pas de lui-même. » Il monta en voiture et Perrine prit place près de lui, attentive, sérieuse, avec la conscience bien évidente de la responsabilité dont elle se chargeait. « Pas trop vite, » dit M. Vulfranc quand elle toucha Coco du bout de son fouet, légèrement. « Je ne tiens pas du tout à aller vite, je vous assure, monsieur. »« C'est déjà quelque chose. » Quelle surprise quand dans les rues de Maraucourt, on vit le phaéton de M. Vulfranc conduit par une petite fille coiffée d'un chapeau de paille noire, vêtue de deuil, qui conduisait sagement le vieux Coco au lieu de le mener du train désordonné que Guillaume obligeait la vieille bête à prendre, bien malgré elle. Que se passait-il donc ? Quelle était cette petite fille ? Et l'on se mettait sur les portes pour s'adresser ces questions, car les gens étaient rares dans le village qui la connaissait, et plus rares encore ceux qui savaient quelle place M. Vulfranc venait de lui donner auprès de lui. Devant la maison des mères Françoises, la tante Zénobie causait, appuyée sur sa barrière avec deux commères. Quand elle aperçut Perrine, elle leva les deux bras au ciel dans un mouvement de stupéfaction, mais aussitôt, elle lui adressa son salut le plus avenant, accompagné de son meilleur sourire, celui d'une amie véritable. « Bonjour, monsieur Vulfranc. Bonjour, mademoiselle Aurélie. » Et aussitôt que la voiture eut dépassé la barrière, elle raconta à ses voisines comment elle avait procuré à cette jeune personne, qui était leur pensionnaire, la bonne place qu'elle occupait auprès de monsieur Vulfranc par les renseignements qu'elle avait donnés aux minces. « Mais c'est une gentille fille. Elle n'oubliera pas ce qu'elle me doit, car elle nous doit tout. » Quels renseignements avait-elle pu donner ? Là-dessus, elle avait enfilé une histoire en prenant pour point de départ les récits de Rosalie, qui, colportée dans Maraucourt avec les enjolivements que chacun y mettait selon son caractère, son goût ou le hasard, avait fait à Perrine une légende, ou plus justement, sans légende, devenue rapidement le fond de conversations d'autant plus passionnées que personne ne s'expliquait cette fortune subite, ce qui permettait toutes les suppositions, toutes les explications avec de nouvelles histoires à côté. Si le village avait été surpris de voir passer M. Vulfranc avec Perrine pour conductrice, Talouel, en le voyant arriver, fut absolument stupéfait. « Où est donc Guillaume ? » s'écria-t-il en se précipitant au bas de l'escalier de sa véranda pour recevoir le patron. « Débarqué pour cause d'ivrognerie invétérée, » répondit M. Vulfranc en souriant. « Je suppose que depuis longtemps vous aviez l'intention de prendre cette résolution, » dit Talouel. « Parfaitement. » Ce mot, je suppose, était celui qui avait commencé la fortune de Talouel dans la maison et établi son pouvoir. Son habileté, en effet, avait été de persuader M. Vulfranc qu'il n'était qu'une main, aussi docile que dévouée, qui n'exécutait jamais que ce que le patron ordonnait ou pensait. « Si j'ai une qualité, disait-il, c'est de deviner ce que veut le patron, et en me pénétrant de ses intérêts, de lire en lui. » Aussi commençait-il presque toutes ses phrases par son mot « Je suppose que vous voulez... » Et comme sa subtilité de paysan, toujours aux aguets, s'appuyait sur un espionnage qui ne reculait devant aucun moyen pour se renseigner, il était rare que M. Vulfranc eût à faire une autre réponse que celle qui se trouvait presque toujours sur ses lèvres. « Parfaitement. Je suppose aussi, dit-il en aidant M. Vulfranc à descendre, que celle que vous avez prise pour remplacer cet ivrogne s'est montrée digne de votre confiance. « Parfaitement. Cela ne m'étonne pas. Du jour où elle est entrée ici, amenée par la petite Rosalie, j'ai pensé qu'on en ferait quelque chose et que vous la découvririez. » En parlant ainsi, il regardait Perrine et d'un coup d'œil qui lui disait en insistant « Tu vois ce que je fais pour toi. Ne l'oublie pas et tiens-toi prête à me le rendre. » Une demande de paiement de ce marché ne se fit pas attendre. Un peu avant la sortie, il s'arrêta devant le bureau de Perrine et sans entrer, à mi-voix, de façon à n'être entendu que d'elle. Que s'est-il donc passé à Saint-Pipois avec Guillaume ? Comme cette question n'entraînait pas la révélation de choses graves, elle crut pouvoir répondre et faire le récit qu'il demandait. « Bon, dit-il, tu peux être tranquille. Quand Guillaume viendra demander à rentrer, il aura affaire à moi. » Thank you. Chapitre 29. Le soir au souper, cette question, que s'est-il passé à Saint-Pipois avec Guillaume, lui fut de nouveau posée par Fabry et par Montbleu, car il n'était personne de la maison qui ne sût qu'elle avait ramené M. Vulfranc, et elle recommença le récit qu'elle avait déjà fait à Talwell. Alors ils déclarèrent que l'ivrogne n'avait que ce qu'il méritait. « C'est miracle qu'il n'ait pas versé 10 fois le patron, » dit Fabry, « car il conduisait comme un fou. » Prononcez plutôt comme un sou, » répondit Montbleu en riant. « Il y a longtemps qu'il aurait dû être congédié, et qu'il aurait été, en effet, sans certains appuis. » Elle devint tout oreille, mais en s'efforçant de ne pas laisser paraître l'attention qu'elle prêtait à ses paroles. « Il le payait, cet appui. Pouvait-il faire autrement ? Il l'aurait pu s'il n'avait pas donné barre sur lui. On est fort pour résister à toutes les pressions d'où qu'elles viennent quand on marche droit. » C'était là le diable pour lui de marcher droit. Êtes-vous sûr qu'on ne l'a pas encouragé dans son vice, au lieu de le prévenir qu'un jour ou l'autre il se ferait renvoyer ? Je pense qu'on a dû faire une drôle de mine quand on ne l'a pas vu revenir. J'aurais voulu être là. On s'arrangera pour le remplacer par un autre qui espionne et rapporte aussi bien. C'est tout de même étonnant que celui qui est victime de cet espionnage ne le devine pas et ne comprenne pas que ce merveilleux accord d'idées dont on se vante, que cette intuition extraordinaire ne sont que le résultat de savante préparation, qu'on me rapporte que vous avez ce matin exprimé l'opinion que le foie de veau aux carottes était une bonne chose, et je n'aurai pas grand mérite à vous dire le soir que je suppose que vous aimez le veau aux carottes. » Ils se mirent à rire en se regardant d'un air goguenard. Si Perrine avait eu besoin d'une clé pour deviner les noms qu'il ne prononçait pas, ce mot, je suppose, la lui eut mise aux mains. Mais tout de suite elle avait compris que le « on » qui organisait l'espionnage était à Louel et celui qui le subissait, M. Vulfranc. « Enfin, quel plaisir peut-il trouver à toutes ces histoires ?» demanda Montbleu. « Comment quel plaisir ? On est envieux ou on ne l'est pas ? De même on est ou l'on n'est pas ambitieux ? Eh bien, il se rencontre qu'on est envieux et encore plus ambitieux. Parti de rien, c'est-à-dire d'ouvrier, on est devenu le second dans une maison qui, à la tête de l'industrie française, fait plus de 12 millions de bénéfices par an, et l'ambition vous est venue de passer du second rang au premier. Est-ce que cela ne s'est pas déjà produit ? Et n'a-t-on pas vu de simples commis remplacer des fondateurs de maisons considérables ? Quand on a vu que les circonstances, les malheurs de famille, la maladie, pouvaient un jour ou l'autre mettre le chef dans l'impossibilité de continuer à la diriger, on s'est arrangé pour se rendre indispensable et s'imposer comme le seul qui fût de taille à porter ce fardeau écrasant. La meilleure méthode pour en arriver là n'était-elle pas de faire la conquête de celui qu'on espérait remplacer, en lui prouvant du matin au soir qu'on était d'une capacité, d'une force d'intelligence, d'une aptitude aux affaires au-delà de l'ordinaire ? De là le besoin de savoir à l'avance ce qu'a dit le chef, ce qu'il a fait, ce qu'il pense, de manière à être toujours en accord parfait avec lui, et même de paraître le devancer, si bien que quand on dit « Je suppose que vous voudriez bien manger du veau aux carottes », la réponse obligée soit « Parfaitement ». De nouveau, ils se mirent à rire, et pendant que Zénobie changeait les assiettes pour le dessert, ils gardèrent un silence prudent. Mais lorsqu'elle fut sortie, ils reprirent leur entretien comme s'ils n'admettaient pas que cette petite, qui mangeait silencieusement dans son coin, put en deviner les dessous qu'il brouillait à dessein. « Et si le disparu reparaissait ?» dit Montbleu. « C'est ce que tout le monde doit souhaiter, mais s'il ne reparaît pas, c'est qu'il a de bonnes raisons pour ça, comme d'être mort, probablement. C'est égal, une pareille ambition chez ce bonhomme est raide tout de même, quand on sait ce qu'il est, et aussi ce qu'est la maison qu'il voudrait faire sienne. Si l'ambitieux se rendait un juste compte de la distance qui le sépare du but visé, le plus souvent il ne se mettrait pas en route. En tout cas, ne vous trompez pas sur notre bonhomme, qui est beaucoup plus fort que vous ne croyez, si l'on compare son point de départ à son point d'arrivée. Ce n'est pas lui qui a amené la disparition de celui dont il compte prendre la place. Qui sait s'il n'a pas contribué à provoquer cette disparition ou à la faire durer ? Vous croyez ? Nous n'étions ici ni l'un ni l'autre à ce moment. Nous ne pouvons donc pas savoir ce qui s'est passé. Mais étant donné le caractère du personnage, il est vraisemblable d'admettre qu'un événement de cette gravité n'a pas dû se produire sans qu'il ait travaillé à envenimer les choses, de façon à les incliner du côté de son intérêt. Je n'avais pas pensé à cela, tiens, tiens. Pensez-y et rendez-vous compte du rôle. Je ne dis pas qu'il a joué, mais qu'il a pu jouer en voyant l'importance que cette disparition lui permettait de prendre. Il est certain qu'à ce moment, il pouvait ne pas prévoir que d'autres hériteraient de la place du disparu. Mais maintenant que cette place est occupée, quelles espérances peut-il garder ? Oh, quand ce ne serait que celle que cette occupation n'est pas aussi solide qu'elle en a l'air. Et de fait, est-elle si solide que ça ? Vous croyez ? J'ai cru en arrivant ici qu'elle l'était. Mais depuis, j'ai vu par bien des petites choses que vous avez pu remarquer vous-même qu'il se fait un travail souterrain à propos de tout comme à propos de rien, qu'on devine plutôt qu'on ne le suit, dont le but certainement est de rendre cette occupation intolérable. Y parviendra-t-on ? D'un côté, arrivera-t-on à leur rendre la vie tellement insupportable qu'ils préfèrent de guerre lasse se retirer ? De l'autre, trouvera-t-on moyen de les faire renvoyer ? Je n'en sais rien. Renvoyer ? Vous n'y pensez pas ? Évidemment, s'ils ne donnent pas prise à des attaques sérieuses, ce sera impossible. Mais si, dans la confiance que leur inspire leur situation, ils ne se gardent pas, s'ils ne se tiennent pas toujours sur la défensive, s'ils commettent des fautes et qu'ils n'en commettent pas, alors surtout qu'on est tout-puissant et qu'on a lieu de croire l'avenir assuré, je ne dis pas que nous n'assisterons pas à des révolutions intéressantes. Pas intéressantes pour moi les révolutions, vous savez. Je ne crois pas que j'aurai plus que vous à y gagner, mais que pouvons-nous contre leur marche ? Prendre parti pour celui-ci ? Prendre parti pour celui-là ? Ma foi, non. D'autant mieux qu'en réalité, mes sympathies sont pour celui dont on vise l'héritage, en escomptant une maladie qui doit, semble-t-il aux uns et aux autres, le faire disparaître bientôt, ce qui pour moi n'est pas du tout prouvé. Ni pour moi. D'ailleurs, on ne m'a jamais demandé nettement mon concours, et je ne suis pas homme à l'offrir. Ni moi non plus. Je m'en tiens au rôle de spectateur, et quand je vois un des personnages de la pièce qui se joue sous nos yeux entreprendre une lutte qui semble impossible aussi bien que folle, n'ayant pour lui que son audace, son énergie, vous pouvez dire sa canaillerie. Si vous voulez, je le dirai avec vous, cela m'intéresse, bien que je n'ignore pas que dans cette lutte, des coups seront donnés qui pourront m'atteindre. Voilà pourquoi j'étudie ce personnage qui n'a pas que des côtés tragiques, mais qui en a aussi de comiques, comme il convient d'ailleurs dans un drame bien fait. Moi, je ne le trouve pas comique du tout. Comment ? Vous ne trouvez pas, personnage comique, un homme qui, à 20 ans, savait à peine lire et signer son nom et qui a assez courageusement travaillé pour acquérir une calligraphie et une orthographe impeccables qui lui permettent de reprendre tout le monde, ni plus ni moins qu'un maître d'école ? Ma foi, je trouve cela remarquable. Moi aussi, je trouve ça remarquable. Mais le comique, c'est que l'éducation n'a pas marché parallèlement avec cette instruction primaire que le bonhomme s'imagine être tout dans le monde, si bien que, malgré sa belle écriture et son orthographe féroce, je ne peux pas m'empêcher de rire quand je l'entends faire usage de son langage distingué, dans lequel les haricots sont des flageolets et les citrouilles des potirons. Nous nous contentons de soupe, lui ne mange que du potage. Quand je veux savoir si vous avez été vous promener, je vous demande, avez-vous été vous promener ? Lui vous dit, allâtes-vous à la promenade ? Qu'éprouvâtes-vous ? Nous voyageâmes. Et quand je vois qu'avec ses beaux mots il se croit supérieur à tout le monde, je me dis que s'il devient maître des usines qu'il convoite, ce qui est possible, sénateur, administrateur de grandes compagnies, il voudra sans doute se faire nommer de l'Académie française et ne comprendra pas qu'on ne l'accueille point. À ce moment, Rosalie entra dans la salle et demanda à Perrine si elle ne voulait pas faire une course dans le village. Comment refuser ? Il y avait longtemps déjà qu'elle avait fini de dîner, et rester à sa place eût pu éveiller des suppositions qu'elle devait éviter de faire naître si elle voulait qu'on continuât de parler librement devant elle. La soirée étant douce et les gens restant assis dans la rue en bavardant de porte en porte, Rosalie aurait voulu flâner et transformer sa course en promenade. Mais Perrine ne se prêta pas à cette fantaisie. Elle prétexta la fatigue pour rentrer. En réalité, ce qu'elle voulait, c'était réfléchir, non dormir, et dans la tranquillité de sa petite chambre, la porte close, se rendre compte de sa situation et de la conduite qu'elle allait avoir à tenir. Déjà, pendant la soirée où elle avait entendu ses camarades de chambrée parler de Talwell, elle avait pu se le représenter comme un homme redoutable. Depuis, quand il s'était adressé à elle pour qu'elle lui dît toute la vérité sur les bêtises de Fabry, en ajoutant qu'il était le maître et qu'en cette qualité il devait tout savoir, elle avait vu comment cet homme redoutable établissait sa puissance et quels moyens il employait. Cependant, tout cela n'était rien à côté de ce que révélait l'entretien qu'elle venait d'entendre. Qu'il voulût avoir l'autorité d'un tyran à côté, au-dessus même de M. Villefranc, cela elle le savait, mais qu'il espérât remplacer un jour le tout-puissant maître des usines de Maraucourt et que depuis longtemps il travaillât dans ce but, cela elle ne l'avait pas imaginé. Et pourtant, c'était ce qui résultait de la conversation de l'ingénieur et de Montbleu. En situation de savoir mieux que personne ce qui se passait, de juger les choses et les hommes et d'en parler. Ainsi, le « on », qu'il n'avait pas autrement désigné, devait s'arranger pour remplacer par un autre l'espion qu'il venait de perdre. Mais cet autre, c'était elle-même qui prenait la place de Guillaume. Comment allait-elle se défendre? Sa situation n'était-elle pas effrayante? Elle n'était qu'une enfant, sans expérience comme sans appui. Cette question, elle se l'était déjà posée, mais non dans les mêmes conditions que maintenant. Et assise sur son lit, car il lui était impossible de rester couchée, tant son angoisse était énervante, elle se répétait mot à mot ce qu'elle avait entendu. Qui sait s'il n'a pas contribué à provoquer l'absence du disparu et à la faire durer? La place qu'ont pris ceux qui doivent remplacer ce disparu est-elle aussi solidement occupée qu'on croit, et ne se fait-il pas un travail souterrain pour les obliger à l'abandonner, soit en les forçant à se retirer, soit en les faisant renvoyer? S'il avait cette puissance de faire renvoyer ce qui semblait désigné pour remplacer le maître, que ne pourrait-il pas contre elle, qui n'était rien, si elle essayait de lui résister et se refusait à devenir l'espionne qu'il voulait qu'elle fût? Comment ne donnerait-elle pas barre sur elle? Elle passa une partie de la nuit à agiter ses questions, mais quand à la fin la fatigue la coucha sur son oreiller, elle n'en avait vu que les difficultés sans leur trouver une seule réponse rassurante. Chapitre 30. La première occupation de M. Villefranc en arrivant le matin à ses bureaux était d'ouvrir son courrier qu'un garçon allait chercher à la poste et déposer sur la table en deux tas, celui de la France et celui de l'étranger. Autrefois, il décachetait lui-même toute sa correspondance française et dictait à un employé les annotations que chaque lettre comportait pour les réponses à faire ou les ordres à donner. Mais depuis qu'il était aveugle, il se faisait assister dans ce travail par ses neveux et par Talouel, qui lisaient les lettres à haute voix et les annotaient. Pour les lettres étrangères, depuis la maladie de Bendit, après les avoir ouvertes, on les transmettait à Fabrice si elles étaient anglaises, allemandes à Montbleu. Le matin qui suivit l'entretien entre Fabrice et Montbleu, qui avait ému Perrine si violemment, M. Villefranc, Théodore, Casimir et Talouel était occupé à ce travail de la correspondance quand Théodore, qui ouvrait les lettres étrangères en annonçant le lieu d'où elles étaient écrites, dit « Une lettre de Dakar, 29 mai. »« En français ?» demanda M. Villefranc. « Non, en anglais. »« La signature ?»« Pas très lisible. Quelque chose comme Feld, Fald ou Field, précédé d'un mot que je ne peux pas lire. 4 pages. Votre nom revient plusieurs fois. » À transmettre à M. Fabry, n'est-ce pas? Non, me l'a donné. » En même temps, Théodore et Talouel regardèrent M. Villefranc, mais en voyant qu'ils avaient l'un et l'autre surpris le mouvement qui venait de leur échapper et trahissait une même curiosité, ils prirent un air indifférent. « Je mets la lettre sur votre table, » dit Théodore. « Non, donne-la-moi. » Bientôt, le travail prit fin et le commis se retira en emportant la correspondance annotée. Théodore et Talouel voulurent alors demander à M. Villefranc ses instructions sur plusieurs sujets, mais il les renvoya et aussitôt qu'ils furent partis, il sonna Perrine. Instantanément, elle arriva. « Qu'est-ce que c'est que cette lettre ?» demanda M. Villefranc. Elle prit la lettre qu'il lui tendait et jeta les yeux dessus. S'il avait pu la voir, il aurait constaté qu'elle pâlissait et que ses mains tremblaient. « C'est une lettre en anglais, datée de Dakar du 29 mai. » « La signature ?» Elle la retourna. « Le père Fildes. »« Tu en es certaine ?»« Oui, monsieur, le père Fildes. »« Que dit-elle »« Voulez-vous me permettre d'en lire quelques lignes avant de répondre ?»« Sans doute, mais vite. » Elle eût voulu obéir à cet ordre, cependant son émotion, au lieu de se calmer, s'était accrue. Les mots dansaient devant ses yeux troubles. « Eh bien ?» demanda M. Villefranc d'une voix impatiente. « Monsieur, Cela est difficile à lire et difficile aussi à comprendre. Les phrases sont longues. Ne traduis pas, analyse simplement. De quoi s'agit-il ? Un certain temps s'écoula encore avant qu'elle répondît. Enfin, elle dit. Le père Fildes explique que le père Leclerc à qui vous aviez écrit est mort et que lui-même, chargé par le père Leclerc de vous répondre, en a été empêché par une absence et aussi par la difficulté de réunir les renseignements que vous demandez. Il s'excuse de vous écrire en anglais, mais il ne possède qu'imparfaitement votre belle langue. « Ces renseignements !» s'écria M. Vulfranc. « Mais monsieur, je n'en suis pas encore là. » Bien que cette réponse eût été faite sur le ton d'une extrême douceur, il sentit qu'il ne gagnerait rien à la bousculer. « Tu as raison, » dit-il. « Ce n'est pas une lettre française que tu lis. Il faut que tu la comprennes avant de me l'expliquer. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre cette lettre et aller dans le bureau de Bendit, où tu la traduiras aussi fidèlement que possible en écrivant la traduction que tu me liras. Ne perds pas une minute. J'ai hâte, tu le vois, de savoir ce qu'elle contient. » Elle s'éloignait, il la retint. « Écoute bien, il s'agit dans cette lettre d'affaires personnelles qui ne doivent être connues de personne. Tu entends, de personne. Quoi qu'on te demande, s'il se trouve quelqu'un qui ose t'interroger, tu ne dois donc rien dire, mais même ne laisser rien deviner. Tu vois la confiance que je mets en toi. Je compte que tu t'en montreras digne. Si tu me sers fidèlement, sois certaine que tu t'en trouveras bien. Je vous promets, monsieur, de tout faire pour mériter cette confiance. Va vite, fais vite. » Malgré cette recommandation, elle ne se mit pas tout de suite à écrire sa traduction, mais elle lut la lettre d'un bout à l'autre, la relut, et ce fut seulement après cela qu'elle prit une grande feuille de papier et commença. « Dhaka, 29 mai. Très honoré, monsieur. J'ai le vif chagrin de vous apprendre que nous avons eu la douleur de perdre notre révérend père Leclerc, à qui vous aviez bien voulu demander certains renseignements auxquels vous paraissez attacher une importance qui me décide à vous répondre à sa place en m'excusant de n'avoir pas pu le faire plus tôt, empêché que j'ai été par des voyages dans l'intérieur et retardé d'autre part par les difficultés qu'après plus de 12 ans écoulés, j'ai éprouvé à réunir ces renseignements d'une façon un peu précise. Je fais donc appel à toute votre bienveillance pour qu'elle me pardonne ce retard involontaire et aussi de vous écrire en anglais. La connaissance imparfaite de votre belle langue en est seule la cause. » Après avoir écrit cette phrase, qui était véritablement longue, comme elle l'avait dit à M. Vulfranc, et qui par cela seule présentait de réelles difficultés pour être mise au net, elle s'arrêta pour la relire et la corriger. Elle s'y appliquait de toutes les forces de son attention quand la porte de son bureau, qu'elle avait fermée, s'ouvrit devant Théodore Pindavoine, qui entra et lui demanda un dictionnaire anglais-français. Justement, elle avait ce dictionnaire ouvert devant elle, elle le ferma et le tendit à Théodore. « Ne vous en serviez-vous pas ? » dit celui-ci en venant près d'elle. « Oui, mais je peux m'en passer. » « Comment cela ? » « J'en ai plus besoin pour l'orthographe des mots français que pour le sens des mots anglais. » « Un dictionnaire français le remplacera très bien. » Elle le sentait sur son dos, et bien qu'elle ne pût pas voir ses yeux, n'osant pas se retourner, elle devinait qu'il lisait par-dessus son épaule. « C'est la lettre de Dhaka que vous traduisez ?» Elle fut surprise qu'il connût cette lettre, qui devait rester si rigoureusement secrète. Mais tout de suite, elle réfléchit que c'était peut-être pour la connaître qu'il l'interrogeait, et cela paraissait d'autant plus probable que le dictionnaire semblait être un prétexte. Pourquoi aurait-il besoin d'un dictionnaire anglais-français, puisqu'il ne savait pas un mot d'anglais ? « Oui, monsieur, » dit-elle. « Et cela va bien, cette traduction ?» Elle sentit qu'il se penchait sur elle, car il avait la vue basse. Alors vivement, elle tourna son papier, de façon à ce qu'il ne le vît que de côté. « Oh, je vous en prie, ne lisez pas. Cela ne va pas du tout. Je cherche. C'est un brouillon. »« Cela ne fait rien. »« Si, monsieur, cela fait beaucoup. J'aurais honte. » Il voulut prendre la feuille de papier, elle mit la main dessus. Si elle avait commencé à se défendre par un moyen détourné, maintenant elle était résolue à faire tête, même à l'un des chefs de la maison. Il avait jusque-là parlé sur le ton de la plaisanterie. Il continua. « Donnez donc ce brouillon. Est-ce que vous me croyez homme à faire le maître d'école avec une jolie jeune fille comme vous ?»« Non, monsieur, c'est impossible. Allons donc. » Et il voulut le prendre en riant, mais elle résista. « Non, monsieur, non, je ne vous le laisserai pas apprendre. »« C'est une plaisanterie. »« Pas pour moi, rien n'est plus sérieux. Monsieur Vulfranc m'a défendu de laisser voir cette lettre par personne. J'obéis à monsieur Vulfranc. » C'est moi qui l'ai ouverte. La lettre en anglais n'est pas la traduction. Mon oncle va me la montrer tout à l'heure, cette fameuse traduction. Si monsieur votre oncle vous la montre, ce ne sera pas à moi. Il m'a donné ses ordres, j'obéis, pardonnez-le-moi. » Il y avait tant de résolution dans son accent et dans son attitude que bien certainement pour avoir cette feuille de papier, il faudrait la lui prendre de force. Et alors ne crierait-elle point ? Théodore n'osa pas aller jusque-là. « Je suis enchanté de voir, dit-il, la fidélité que vous montrez pour les ordres de mon oncle, même dans les choses insignifiantes. » Lorsqu'il eut refermé la porte, Perrine voulut se remettre au travail, mais elle était si bouleversée que cela lui fut impossible. Qu'allait-il advenir de cette résistance dont il se disait enchanté, quand au contraire il en était furieux ? S'il voulait la lui faire payer, comment lutterait-elle, misérable, sans défense, contre un ennemi qui était tout-puissant ? Au premier coup qu'il lui porterait, elle serait brisée. Mais alors, il faudrait qu'elle quittât cette maison, où elle n'aurait que passé. À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau, doucement poussée, et Talwell entra à pas glissés, les yeux fixés sur le pupitre où la lettre et son commencement de traduction se trouvaient étalés. « Eh bien, cette traduction de la lettre de Dacca, ça marche-t-il »« Je ne fais que commencer. Monsieur Théodore t'a dérangé, qu'est-ce qu'il voulait ?» Un dictionnaire anglais-français. Pourquoi faire ? Il ne sait pas l'anglais. Il ne me l'a pas dit. Il ne t'a pas demandé ce qu'il y a dans cette lettre ? Je n'en suis qu'à la première phrase. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne l'as pas lue ? Je ne l'ai pas encore traduite. Tu ne l'as pas écrite en français, mais tu l'as lue. Elle ne répondit pas. Je te demande si tu l'as lue. Tu me répondras peut-être. Je ne peux pas répondre. Parce que ? Parce que M. Vulfran m'a défendu de parler de cette lettre. Tu sais bien que M. Vulfran et moi, nous ne faisons qu'un. Tous les ordres que M. Vulfran donne ici passent par moi. Toutes les faveurs qu'il accorde passent par moi. Je dois donc connaître ce qui le concerne. Même ses affaires personnelles ? C'est donc d'affaires personnelles qu'il s'agit dans cette lettre ? Elle comprit qu'elle s'était laissée surprendre. Je n'ai pas dit cela, mais je vous ai demandé si, dans le cas d'affaires personnelles, je devais vous faire connaître le contenu de cette lettre. C'est surtout s'il s'agit d'affaires personnelles que je dois les connaître, et cela dans l'intérêt même de M. Vulfran. Ne sais-tu pas qu'il est devenu malade, à la suite de chagrins qui ont failli le tuer ? Que tout à coup, il apprenne une nouvelle qui lui apporte un nouveau chagrin ou lui cause une grande joie, et cette nouvelle, trop brusquement annoncée, sans préparation, peut lui être mortelle. Voilà pourquoi je dois savoir à l'avance ce qui le touche, pour le préparer. Ce qui n'aurait pas lieu si tu lui lisais ta traduction, tout simplement. » Il avait débité ce petit discours d'un ton doux, insinuant, qui ne ressemblait en rien à ses manières ordinaires si raides et si hargneuses. Comme elle restait muette, le regardant avec une émotion qui la faisait toute pâle, il continua. « J'espère que tu es assez intelligente pour comprendre ce que je t'explique là, et aussi de quelle importance il est pour tous, pour nous, pour le pays entier qui vit par M. Vulfran. » Pour toi-même, qui viens de trouver auprès de lui une bonne place, qui ne peut que devenir meilleure avec le temps, que sa santé ne soit pas ébranlée par des coups violents auxquels elle ne résisterait pas. Il a l'air solide encore, mais il ne l'est pas autant qu'il le paraît. Ses chagrins le minent, et d'autre part, la perte de sa vue le désespère. Voilà pourquoi nous devons tous ici travailler à lui adoucir la vie, et moi le premier, puisque je suis celui en qui il a mis sa confiance. » Perrine n'eut rien su de Talwell, qu'il se fût sans doute laissé prendre à ses paroles, habilement arrangées pour la troubler et la toucher. Mais après ce qu'elle avait entendu, et des femmes de la chambrée, qui à la vérité n'étaient que de pauvres ouvrières, et de Fabry et de Montbleu, qui eux étaient des hommes capables de savoir les choses aussi bien que de juger les gens, elle ne pouvait pas plus ajouter foi à la sincérité de ce discours qu'avoir confiance dans le dévouement du directeur. Il voulait la faire parler, voilà tout. Et pour en arriver là, tous les moyens lui étaient bons. Le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. Elle eût pu avoir des doutes à ce sujet, que la tentative de Théodore auprès d'elle devait l'empêcher de les admettre. Pas plus que le neveu, le directeur n'était sincère. L'un et l'autre voulaient savoir ce que disait la lettre de Dacca, et ne voulaient que cela. C'était donc contre eux que M. Vulfran prenait ses précautions, quand il lui disait « S'il se trouve quelqu'un qui ose t'interroger, tu dois non seulement ne rien dire, mais même ne laisser rien deviner ». Et c'était à M. Vulfran qui certainement avait prévu ces tentatives, à lui seul qu'elle devait obéir, sans prendre autrement souci des colères et des haines qu'elle allait accumuler contre elle. Il était debout devant elle, appuyé sur son bureau, penché vers elle, la tenant dans ses yeux, l'enveloppant, la dominant. Elle fit appel à tout son courage, et d'une voix un peu rauque, qui trahissait son émotion, mais qui ne tremblait pas cependant, elle dit « Monsieur Vulfran m'a défendu de parler de cette lettre à personne. » Il se redressa furieux de cette résistance, mais presque aussitôt se penchant de nouveau vers elle, en se faisant caressant dans les manières comme dans l'accent. « Justement, je ne suis personne, puisque je suis son second, un autre lui-même. » Elle ne répondit pas. « Tu es donc stupide ! » s'écria-t-il d'une voix étouffée. « Sans doute, je le suis. Alors, tâche de comprendre qu'il faut être intelligent pour occuper la place que M. Vulfran t'a donnée auprès de lui, et que puisque cette intelligence te manque, tu ne peux pas garder cette place, et qu'au lieu de te soutenir comme je l'aurais voulu, mon devoir est de te faire renvoyer. Comprends-tu cela ?»« Oui, monsieur. » »« Eh bien, réfléchis-y. Pense à ce qu'est ta situation aujourd'hui. Représente-toi ce qu'elle sera demain dans la rue, et prends une résolution que tu me feras connaître ce soir. » Là-dessus, après avoir attendu un moment sans qu'elle faiblît, il sortit à pas glisser comme il était entré.